Bonjour Mathieu Garrigou-Lagrange, aujourd'hui l'histoire de rien ou l'histoire de tout, c'est selon. Parmi les concepts qui ont gêné les scientifiques aux entournures pendant des siècles, voire des millénaires, aux côtés de l'infini et du zéro, le vide tient certainement une bonne place. Et même aujourd'hui, sait-on exactement ce qu'est le vide ? Le vide en cosmologie est-il le même vide qu'en physique ? Le vide en relativité générale est-il le même que le vide quantique ? Et comment faire pour appréhender un concept aussi mouvant qui, malgré l'évolution de son acception, a gardé au cours des siècles le même nom ? Bref, pourquoi, depuis ses origines, la science a-t-elle horreur du vide ? Le vide d'une histoire bien remplie, c'est l'histoire que nous nous proposons de vous conter au cours de l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et nos narrateurs pour cette histoire si complexe, qui n'a d'ailleurs pas fini de se complexifier aujourd'hui encore, sont aujourd'hui Armand Le Noxaïc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences physiques et en histoire et philosophie des sciences, maître de conférences à l'Institut universitaire de technologie d'Orsay. Vous avez publié en 2004 chez Belin Les métamorphoses du vide et nous sommes en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Gare-Lozère à Nîmes avec Simone Mazoric. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite en histoire des sciences et épistémologie à l'Université de Lorraine. Vous pouvez suivre, comme chaque jour, notre émission sur les ondes de France Culture et en direct également et en complément sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Alors une question toute simple pour commencer. Est-ce que l'on a aujourd'hui une définition satisfaisante, transdisciplinaire, du vide, Armand Le Noxaïc ? Alors, le mieux concevoir le vide aujourd'hui est un des grands challenges de la science du 21e siècle. Tout récemment, on a mis en évidence le boson de Higgs, qui est simplement une étape, en fait, pour aller vers une meilleure compréhension de ce vide quantique qui est le vide d'aujourd'hui. Simone Mazoric. Oui, alors moi je ne parlerai pas pour l'époque actuelle, je peux parler du vide en revanche tel qu'il commence à être conceptualisé à partir dans l'Antiquité, très tôt dans l'Antiquité, aux origines de la pensée occidentale. On va revenir bien sûr sur cette histoire du vide, mais est-ce qu'il y a une définition du vide qui fait consensus dans les sciences et indépendamment des différentes disciplines scientifiques selon vous ? Non, je ne pense pas. Je pense que chacun, en fonction de ce qu'il a l'intention de mettre en évidence, propose une définition. Il peut dire par vide, j'entends, non pas par exemple le vide absolu, mais un vide relatif, un vide qui peut comporter des particules de matière sans que pour autant ça remette en question la nature du vide. Mais une définition universellement acceptée, unanimement acceptée, me paraît introuvable. Absolument introuvable. Armand Le Noxaïc, vous confirmez, il n'y a pas de définition universelle du vide ? Je pense, oui. Déjà, si on voit ça sur toute l'évolution, on voit que cette évolution continue et l'interprétation actuelle du vide n'est pas satisfaisante. Donc, il peut y avoir en effet plusieurs définitions, ne serait-ce que si on regarde le vide en Occident ou le vide dans les philosophies orientales, il est totalement différent. Cette approche est tout à fait différente. Même en termes étymologiques, hein, l'étymologie du mot est problématique. Simone Mazoric, vous connaissez une étymologie qui soit la bonne ? Quand on cherche, on en trouve plusieurs. On trouve le littré donne par exemple vidus pour veuf. On trouve également de vidi pour voir, mais avec un suffixe privatif et à la fin. Est-ce que vous en connaissez une qui soit un peu universelle là aussi ? Pas davantage que vous. Armand Le Noxaïc ? Non, je ne peux pas sortir une définition. Hélas, une étymologie. Une étymologie qui serait elle aussi unanimement acceptée. Oui, je pense comme Madame Mazori qu'en effet, on n'a pas une seule définition linguistique en fait du vide en fait. Vous voyez, donc voilà pour commencer cette émission, le chant qui est le nôtre. Hein, voilà un concept dont on ne connaît ni vraiment l'étymologie, ni vraiment une acception universelle. Alors, le plus simple, c'est de retourner aux sources de ce concept. Quelles sont les premières acceptions Simone Mazori dans l'Antiquité? Comment est-ce qu'on prend contact pour la première fois dans l'histoire des sciences avec le vide? Alors, répondre à cette question va me permettre de répondre à la question précédente, finalement, puisqu'il faut partir d'exemples concrets. Donc, si on part des origines de la pensée occidentale, c'est-à-dire de la Grèce et des premiers penseurs grecs, les premiers philosophes grecs, puisque ce sont plus des philosophes, des penseurs que des scientifiques, évidemment, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, ils parlent du vide, ils affirment l'existence du vide, puisque parmi les premiers partisans du vide, il y a les atomistes grecs, mm-hmm. c'est-à-dire Leucippe, Démocrite et d'Abdère, ensuite Épicure, plus tard encore Lucrèce, mais tous parlent du vide, sont partisans du vide, c'est même leur caractéristique principale, ils affirment inséparablement l'existence des atomes et du vide, ça c'est très important, mais ils ne se soucient pas de le définir. Ils le définissent quand même plus ou moins par le vide, c'est le non-être, etc., mais ils ne s'épuisent pas à en donner une définition, à en donner une acception extrêmement précise, et ils se contentent de l'affirmer purement et simplement. Armand Le Noxaïque, Simone Mazori vient de prononcer quelque chose d'important, puisque ça va être effectivement quelque chose autour duquel on va tourner, les scientifiques et les philosophes vont tourner tout au long de l'histoire des sciences. Est-ce que le vide, c'est le non-être? Est-ce que le vide, c'est l'être? Est-ce que c'est là-dessus, c'est autour de ces notions-là que commence à se cristalliser une pensée du vide? Alors, pour compléter ce qu'a dit Madame Mazorik, en fait, il y a eu un grand débat au 5e siècle avant Jésus-Christ sur ce concept de vide. Donc, il y avait certaines écoles philosophiques qui le rejetaient totalement. Donc, on pense aux Éléates, et dont l'un des chefs de file était Parménide. Et justement, il faisait une différence entre le vide et le non-être. L'être était unique, sans vide à l'intérieur, il était sphérique, et à l'extérieur, ce n'était pas le vide, mais c'était le non-être. Il y a une différence qui se crée entre le vide et le non-être, ça sera repris notamment chez Platon. Platon qui conçoit le monde réel, conçu par un démiurge à partir d'un exemple qui est le monde idéal. Et pour lui, dans son texte qui s'appelle le Timée, justement, il dit que le monde est comme un être qui n'a pas d'yeux vers l'extérieur, ni d'oreilles, parce qu'à l'extérieur, il n'y a rien de visible, il n'y a rien d'audible, c'est le non-être. Alors, le vide a été comme un réceptacle, en fait, pour les atomistes. En effet, les atomes pouvaient se déplacer dans le vide. Donc, c'est au 5e siècle qu'il y a le premier grand débat sur le vide en Occident. Et en Orient, alors, comment conçoit-on c'est une conception très très distincte. C'est une approche totalement différente, puisque notamment chez Lao Tzu, le grand philosophe chinois, le vide a une énorme importance, en fait. Il dit de l'être, on verra les bornes, et du non-être, donc le vide, on verra le prodige. En fait, l'être surgit à partir du non-être, et ça va influencer toutes les philosophies, le taoïsme, mais également le bouddhisme, en fait. Simone Mazori, c'est important cette différence conceptuelle entre l'Orient et l'Occident du vide, avec un Orient qui s'interroge, qui va être plus réfractaire, hein, à partir d'Aristote, là où les sciences orientales ont plus de facilité à accepter la notion de vide. C'est forcément important, mais comme je ne sais pas quels ont été les développements ultérieurs de ces principes annoncés très tôt dans l'histoire de la pensée orientale, je ne suis pas à même, je dois l'avouer, d'apprécier véritablement les conséquences possibles de ces deux approches distinctes en Occident et en Orient. Alors on va revenir en Occident, parce que il y a une pensée qui va figer, en tout cas pour de longues années, pour de longs siècles surtout, la notion du vide. Armand Le Noxaïque, c'est celle d'Aristote qui va décréter le vide n'existe pas. Alors, Aristote a fait preuve d'omniscience. Il a écrit sur la biologie, la physique. C'est son quatrième livre, justement, où il parle il critique la notion de vide. Mais il a écrit sur tellement de thèmes, en fait, que lorsque le Moyen-Âge va le découvrir, alors le Moyen-Âge, on appelle ça, ce sont les scolastiques, en fait. C'est ce qui est enseigné, si vous voulez, au Moyen-Âge. Donc, les scolastiques arabes et juifs vont le découvrir très tôt, Aristote. Donc, ils vont suivre le maître, qui est en fait ce qu'on surnomme le philosophe. Et après, la scolastique chrétienne, à partir du XIIe siècle, découvre Aristote, après Platon, et va suivre également Aristote. Mais alors, Aristote, on le sait, hein, il exprime horror vacui, la nature horreur du vide. Comment se structure, Simone Mazurik, la pensée d'Aristote autour du vide? Pourquoi réfute-t-il le vide? Alors, je vais me permettre une petite rectification. Oui. Ce n'est pas Aristote qui a proclamé l'horreur vacui, qui donc a proclamé que la nature avait horreur du vide. Ce sont ses disciples. Lui, d'accord, on ne trouvait pas cette formule chez lui. Mais enfin, ça, je c'est confirme. Un détail. Vous faites bien de rectifier. On lui attribue, en tout cas. Bref. Voilà. Mais non, ce sont ses disciples. Alexandre d'Aphrodise qui, le premier, au 3e siècle après Jésus-Christ, a employé cette formule, qui a eu un succès évidemment considérable. Mais pour en revenir à Aristote, c'est soucié de combattre l'opposition de ses prédécesseurs, donc des atomistes, qui affirmaient et l'existence des atomes et l'existence du vide. Et il a produit une argumentation très rigoureuse dans le livre 4 de la physique, à laquelle il vient d'être fait allusion. Il a produit une argumentation très rigoureuse pour rendre compte de ce qui, pour lui, va de soi, c'est-à-dire l'impossibilité du vide. Donc il a déduit l'impossibilité du vide de sa définition du lieu. Je ne sais pas si j'entre dans le détail. Entrer dans le détail. Donc le lieu, c'est un espace contigu à un corps quelconque, et donc c'est l'enveloppe en quelque sorte de ce corps, et il ne peut pas y avoir donc de corps, de lieu qui ne soit pas occupé par un corps. C'est à partir du moment où il y a un lieu, il y a un corps qui occupe ce lieu. Ça ressemble beaucoup, mais ça n'est pas la même chose à l'argumentation que développera ultérieurement Descartes. Et cette affirmation, il cherche bien entendu à la justifier. Et en commençant par réfuter les arguments des atomistes, l'argument préféré des atomistes, ce n'était loin d'être le seul, mais c'était quand même leur principal argument, c'est que le mouvement serait impossible sans le vide. Hein, si vous voulez, dans une pièce, par exemple, bondée, s'il n'y a pas d'espace vide, on ne peut plus bouger. Eh bien, c'est ça l'argument des atomistes. Le mouvement n'est possible que dans le vide. Et c'est la condition de possibilité du mouvement, excusez-moi. Et Aristote ne dit pas du tout, hein, le mouvement est parfaitement possible dans le vide, sans le vide. Sans le vide, oui. Sans le vide. Il reprend d'ailleurs un argument de Platon, qui a invoqué le principe d'un mouvement en anneau, une espèce de ronde. Hein. Chacun occupe la place occupée par le corps précédent, et donc il n'y a pas de vide, et le mouvement est possible. On donnait aussi l'argument, que reprendra aussi Descartes, du mouvement des poissons, des poissons qui nagent dans un bassin. Hein. Les poissons nagent, donc ils sont en mouvement, et pourtant le bassin est plein d'eau. Et il renverse même les arguments des atomistes en disant, en fonction des principes même de sa physique, si le vide existait, le mouvement serait impossible. Ça, c'est de la provocation. Le mouvement serait impossible dans le vide parce que les corps rejoignent leur lieu naturel, le haut ou le bas, selon qu'ils sont lourds ou légers. Et comme il n'y aurait plus de lieu dans le vide, les corps, si j'ose dire, ne sauraient plus où aller et donc resteraient immobiles. Voilà. Alors, il y a d'autres arguments parce que les atomistes utilisaient aussi d'autres arguments, celui de la condensation ou celui de la raréfaction des corps, c'est-à-dire la condensation ou la dilatation, et pour eux, là encore, ces deux phénomènes requièrent l'hypothèse du vide. Aristote affirme que ces deux phénomènes qu'on observe sont parfaitement possibles dans le vide. Donc il y a une réfutation systématique par Aristote des arguments de ses prédécesseurs. Voilà. Et ce sont ces arguments qui vont ensuite être repris par les scolastiques, etc. Arriver jusqu'au XVIIe siècle et à Galilée, on va y venir dans un instant. Armand Lenoxaïc, un mot peut-être pour compléter ce que vient de dire Simone Mazurik. Effectivement, la notion de mouvement est très importante à la conception du vide, tout au long d'ailleurs de l'histoire du vide. Et par ailleurs, Aristote va introduire quelque chose qui va être important, c'est qu'il supprime le vide pour le remplacer par quelque chose, par une cinquième essence, une quintessence. Oui, c'est le cinquième élément ou la quintessence. C'est le donc dans l'Antiquité il y a quatre éléments. L'air, le feu, la terre et l'eau. Et au-delà de la voûte céleste, pour Aristote, il y a un élément plus subtil qui est l'éther, et dont le premier a parlé dans l'Antiquité est le philosophe Empédocle. Alors j'aimerais juste revenir un petit peu sur le mouvement, parce que c'est en effet ça va être quelque chose de très important pour les débats par la suite. Donc Aristote ne conçoit pas qu'un objet, par exemple si on lance un objet avec notre main, il ne conçoit pas que cet objet puisse se déplacer dans le vide. Il faut forcément qu'il y ait une action, soit de l'air qui va le pousser. Donc pour lui, au contraire, en effet, dans le vide, le mouvement n'est pas possible. Et autre chose importante, ayant remarqué que plus un milieu où se déplace un objet, moins il est dense, plus l'objet va se déplacer vite, il extrapole en disant que dans le vide, les objets auraient une vitesse infinie. Et là, en effet, il se trompe. Et justement, Galilée l'attaquera là-dessus en disant, il n'aura pas une vitesse infinie. Elle sera plus grande, mais pas infinie. C'est-à-dire qu'il constate qu'effectivement, un objet se déplace plus lentement dans l'eau que l'air. Et que s'il y a un élément vide qui ne montre aucune résistance, alors le déplacement serait instantané. Et exactement. C'est ça qui est impossible. Simone Mazurik. Oui, c'est tout à fait ça. Oui. Non, c'était le second argument, en effet. Moi, j'avais simplement rapidement rappelé les arguments contre l'hypothèse du mouvement. Mais en effet, ça c'est le second qui complète. Non, il renverse l'argument. Oui, il serait impossible le mouvement, oui, il aurait une vitesse infinie. Hein. Instantanément. Les deux arguments, il les ajoute, il les met l'un à côté de l'autre, ils ne sont pas contradictoires l'un avec l'autre. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h17, dans la méthode scientifique sur France Culture, nous parlons de l'histoire du vide tout au long de cette heure en compagnie d'Armand Le Noxeil, qui est ici avec nous en studio à la Maison de la Radio et en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Gare-Lozère, avec Simone Mazurik. On l'a dit, cette conception aristotélicienne va en quelque sorte figer la compréhension, l'acception du vide jusqu'au XVIIe siècle et précisément jusqu'à Galilée qui va fonder lui, sa conception du vide, non plus seulement sur une pensée théorique, entre autres, mais également sur une pratique expérimentale. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous qui adorez vous mettre dans la peau des grands scientifiques du temps passé, vous êtes allé refaire l'expérience de la chute des corps dans le vide, en trichant un peu. Oui, il faut bien tricher parce qu'il s'agit là d'une expérience de pensée à l'origine, car à l'époque de Galilée, on n'était pas capable encore de faire du vide. Mais sur la plateforme d'expérience de physique à Sorbonne Université, c'est possible, grâce à Bertrand Laforge, physicien, et son assistant ingénieur Pascal Bernard, qui ont reproduit devant moi l'expérience dite du tube de Newton, une expérience symbolique car elle montre l'universalité de la chute des corps dans le vide. Dans cette expérience, on a un tube en verre d'environ un mètre, dans lequel sont disposées une petite sphère en plastique et une plume de masse différente et surtout de formes très différentes. Donc quand on utilise ce tube dans son état initial, c'est-à-dire rempli d'air, et qu'on le renverse, on observe de manière très facile le fait que la plume arrive très très tardivement par rapport à la balle, à la base du tube. Donc on pourrait avoir le sentiment que la chute libre des objets puisse dépendre de la masse. Bon, donc on peut faire une autre expérience dans laquelle on va maintenant faire le vide dans le tube en utilisant une pompe à vide qui nous permet de faire un vide. Ce vide primaire est suffisamment important pour que le nombre de molécules d'air que vont rencontrer les deux objets au cours de leur chute libre soit suffisamment faible pour que un effet de frottement soit négligeable. Donc on va faire le vide. Alors, je connecte la pompe à vide au tube rempli d'air. Donc en la mettant en marche, Il y a un point qu'on peut peut-être préciser, c'est qu'on n'aspire jamais l'air. Il occupe en fait naturellement le volume qui lui est disponible. Oui. Voilà. Alors on met en marche la pompe à vide. Donc on enlève l'air à l'intérieur du tube pendant un certain temps, une dizaine de secondes, pour être sûr. Alors je pense maintenant qu'on a suffisamment pompé l'intérieur du tube. Alors je ferme le tube. et je vais retourner le tube qui contient les deux, la petite boule et puis la plume. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les deux éléments, la boule et la plume, tombent en même temps. Ce qui n'était pas le cas avec le tube rempli d'air. Et si on avait pu mesurer précisément la vitesse, on aurait pu conclure que dans ce vide, les deux objets de forme et de masse différentes tombent à la même vitesse. Voilà, c'est ça. Donc le point très fondamental, c'est d'expliquer pourquoi deux objets de masse différente dans le champ de gravitation tombent de la même manière. Historiquement, c'est une expérience très importante, puisque dans un passé lointain, on pensait que les objets tombaient proportionnellement à leur poids essentiellement, parce que l'expérience du quotidien se fait toujours avec des frottements, alors qu'une avancée intellectuelle extrêmement importante a été franchie par Galilée, qui a fait une expérience de pensée dans un ouvrage qu'il a écrit au début du XVIIe siècle, dans lequel il expliquait que si on considère un système composé d'une grosse pierre et d'une petite pierre, ben, si les objets tombent proportionnellement à leur poids, la grosse pierre doit tomber plus vite que la petite. Par contre, si on attache la grosse pierre et la petite pierre, eh bien, la petite pierre va freiner dans son mouvement la grosse pierre en la retenant par la corde qui les lie. Alors que si on considère l'ensemble grosse pierre plus petite pierre comme un système unique, il est bien plus lourd que et la grosse pierre et la petite pierre, donc il devrait tomber plus vite que soit la grosse pierre, soit la petite pierre, prises indépendamment. Et donc, il y a une contradiction expérimentale et théorique, puisque c'est pas ce qu'on observe, et donc Galilée en déduit que les objets doivent tomber indépendamment de leur masse de la même manière. Dans le vide. Mais alors là, on a à faire un peu un raisonnement par l'absurde. Est-ce que c'est un argument vraiment en faveur de l'existence du vide dans un contexte où on est sous la physique aristotélicienne contre l'existence du vide? Alors, Galilée, dans son environnement expérimental, n'a pas vraiment, à ma connaissance, les moyens de créer un vide important dans lequel il peut mener cette expérience, celle qu'on vient de faire devant vos yeux aujourd'hui. Mais par contre, ce que fait Galilée, c'est qu'il pousse la conception qu'on a du mouvement dans ses retranchements, et il en teste la cohérence intellectuelle. Et c'est là où il fait des grands, grands progrès. Hein. Il le fait à la fois sur cette histoire de la chute des corps de masses différentes, mais il le fait dans tout un tas d'aspects. Et d'ailleurs, de manière assez rigolote, il lui arrive de pousser ses raisonnements un peu trop loin, parce qu'il n'a pas des éléments expérimentaux suffisamment forts pour aller tester toutes les conclusions qu'il tire de ses raisonnements. Par exemple, quand il fait ses expériences avec des billes sur des plans inclinés, il se rend compte que plus le plan incliné est lisse, plus les billes vont loin. Et donc, il en déduit que finalement, s'il était infiniment lisse, elles continueraient dans leur mouvement. Donc, c'est le principe d'inertie. Voilà, c'est le principe d'inertie, sauf que lui, un peu emprunt par les idées de la Grèce antique, dans lequel le cercle où la sphère a un sens, disons, symbolique très fort, bah, il se dit, ouais, mais alors, bon, ok, je suis sur une droite, mais en fait, cette droite, c'est la tangente au cercle ou à la sphère que représente la Terre. Et en fait, si je pouvais poursuivre mon expérience à plus grande échelle, en fait, je verrais ces billes avoir un mouvement naturel qui serait la sphère. Donc il a à la fois l'intuition du principe d'inertie et pourtant il le pousse un peu trop loin et en fait le principe d'inertie actuel ne sera vraiment formulé bien qu'un petit peu plus tard. Voilà la puissance de la pensée théorique et expérimentale de Galilée autour de cette acception, cette conception du vide. Une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Simone Mazoric. Alors moi, je vous reprocherais d'avoir sauté à pieds joints sur la chronologie. Parce que en faisant appel à la pompe à vide, on a beaucoup avancé dans le temps, puisque la pompe à vide... C'est pour ça que je disais qu'on trichait un peu. Voilà. Et il faudrait revenir au départ, c'est-à-dire à Galilée, aux positions qu'il adopte à l'égard du vide, et ensuite à l'expérience, justement, magistrale qu'ont monté ses élèves et qui a joué un rôle déterminant dans l'histoire de l'approche expérimentale du vide. C'est voilà. Exactement ce que nous allons faire. C'est exactement ce que nous allons faire dans les minutes qui viennent. Non, mais ce qui est important, et là, ce sur quoi je voulais votre réaction, c'est d'entendre à quel point Galilée pense contre contre 1500 ans d'histoire quasiment. Enfin, j'exagère un peu, mais pas loin finalement. Enfin, contre oui. son époque, contre l'intuition expérimentale. Armand Lennoxaïque, c'est une puissance conceptuelle extrêmement forte. Oui. Alors Aristote va marquer en effet la science pendant 1500 ans. Ce qui est énorme en fait. C'est à la Renaissance italienne où on va redécouvrir certains textes, notamment le De Rerum Natura de Lucrèce, qui est un atomiste, et où il y a déjà des prémices d'une réflexion anti-aristotélicienne, parce qu'elle était très timide pendant le Moyen-Âge, notamment avec Giordano Bruno. Malheureusement pour lui, ça se terminera mal. On va en parler la semaine prochaine. On lui consacre une émission jeudi prochain. Donc je n'en dirai pas trop. Mais toujours est-il, il va reconcevoir justement l'éther, le cinquième élément. Et alors pour en venir plutôt à Galilée, avant il faut parler de cette mésaventure des fontainiers de Florence. Là on est en 1630 et ils veulent aspirer de l'eau qui se trouve à plus de 9 mètres de profondeur à l'aide de pompes par aspirantes. Et ils n'y parviennent pas, quoi qu'ils fassent, ils ont beau changer les pompes. Et le grand savant justement Galilée s'y intéresse et justement dans ses discours qui sont l'une de ses œuvres littéraire, scientifique. Alors il donne des exemples, il reprend un exemple d'ailleurs du poète latin Lucrèce, qui était atomiste. Il dit que si on met une plaque de marbre l'une contre l'autre et qu'on essaye de soulever celle qui est au-dessus, on a du mal. Parce que justement, on pourrait penser qu'il y a du vide qui se crée. Mais néanmoins, il dit qu'en fournissant une force suffisante, on pourrait y arriver. Alors, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'on pourrait créer du vide en supposant que l'on crée une force suffisante. Et justement, après, il parle de cette mésaventure des fontainiers de Florence, où il dit que ces 9 mètres d'eau correspondent justement à la force qu'il faudrait créer pour pouvoir envisager l'existence du vide. Et ce qui va conduire à l'expérience de Torricelli, dont on va parler dans un instant. Simone Mazurik, sur ce début de changement paradigmatique qui est initié, comme on vient de l'entendre, par Galilée. Oui, c'est vrai que Galilée va raisonner tout à fait autrement qu'on ne raisonnait jusqu'à lui. Simplement, sur la question du vide, il est quand même assez timide. Il ne prend pas position aussi ouvertement qu'on pourrait le penser en faveur du vide, puisque, à propos justement de l'expérience des fontainiers de Florence, qui ne parviennent pas à élever l'eau dans les pompes aspirantes au-delà d'une certaine hauteur, et justement, les aristotéliciens expliquaient le fait que l'eau ne montait dans les pompes aspirantes précisément en raison de l'horreur du vide. Comme la nature a horreur du vide, l'eau monte contre sa nature, puisque l'eau est lourde, normalement elle ne monte pas. C'est un élément qui tombe mais qui ne va pas, ne se dirige pas vers le haut, mais elle monte parce qu'elle a horreur du vide. Et donc en aspirant l'air qui se trouve dans les pompes aspirantes, l'eau remplace l'air et elle monte. Mais elle monte jusqu'à une certaine hauteur. Alors il semblerait que Galilée ne soit pas allé très loin dans la réflexion, il s'est contenté d'évoquer le principe d'une horreur limitée du vide, ce qui est un concept quand même curieux. La nature a une horreur du vide, mais jusqu'à un certain point. Et cette horreur s'arrêterait à 10 mètres 33. Oui, 10 mètres 33, c'est ça. Voilà, 33, c'est la hauteur traditionnelle. Voilà. Et voilà. Et ce sont ces élèves qui mettront au point la fameuse expérience dont il va être, je pense, largement question. Et on peut se demander pourquoi... Galilée. Pascal, c'est vous qui anticipez cette fois. J'anticipe, c'est voilà. Moi qui vais retourner votre critique contre vous. Alors, donc Galilée. Moi aussi, je bouscule la chronologie. Pourquoi Galilée ? Peut-être parce que justement l'association du vide et des atomes était très présente dans, on peut dire, l'inconscient ou même le conscient, l'imaginaire philosophique. Et comme la question des atomes était en revanche une question brûlante du point de vue de l'orthodoxie catholique, après le Concile de Trente, peut-être Galilée a-t-il été prudent et s'est contenté d'affirmer une horreur limitée du vide. Et ce sont ses élèves qui iront plus loin, et Torricelli en particulier, dans l'affirmation du vide pur et simple. Armand Lennoxaïque, pareil, vous pensez qu'il y a une sorte de jurisprudence Giordano Bruno qui fait que Galilée maintient une sorte de réserve autour de ses conceptions, et surtout quand on réentend encore une fois la puissance paradigmatique de changement de paradigme de sa pensée scientifique. Tout à fait, Galilée se sentait et même a été menacé par l'Église et était très prudent, et ça l'a certainement freiné, mais il a quand même pu formuler certaines idées en fait sur le vide dans ses ouvrages, mais en effet je pense qu'il n'est pas allé aussi loin qu'il aurait voulu, et ce sont ses disciples, donc on va parler bien sûr de Torricelli qui a l'excellente idée d'utiliser du mercure plutôt que de l'eau. Alors le mercure est un fluide beaucoup plus lourd que l'eau, 13,6 fois plus lourd, et ce qui est remarquable, c'est qu'on n'avait jamais mis en évidence la possibilité qu'il y ait un espace où il n'y ait rien, et justement parce qu'on n'utilisait pas ce fluide. Alors si vous voulez, je peux Parlons précisément. Alors faisons cette expérience de Torricelli, puis on marquera une pause pour parler de Pascal, mais parlons-en. C'est quoi cette expérience de Torricelli qui va conduire aussi vers un autre concept important, celui de pression atmosphérique? Alors on peut la décrire telle qu'on pourrait la faire aujourd'hui. Si on prend un tube de verre d'une hauteur de 80 cm, d'accord, et il serait bouché d'un côté, et il serait assez résistant pour pouvoir contenir un fluide aussi lourd que le mercure. On le remplit de mercure, on bouche l'autre extrémité temporairement, on retourne le tube et on le plonge dans une cuve contenant également du mercure. Et là, ce qu'a constaté Torricelli, c'est que le tube qui était initialement rempli totalement de mercure, son niveau de mercure va baisser et se stabiliser à une certaine hauteur. Donc là où il y avait quelque chose, il n'y a plus rien. Et là, c'est la première mise en évidence expérimentale du vide. Simone Mazurik. Alors moi, sur cette expérience de Torricelli, vous allez me dire que je suis insupportable. Jamais. Mais je ne me permettrai pas. Non. Mais l'expérience de Torricelli a été précédée de la grande expérience avec un tube de métal de 10 mètres, hein, faite par les élèves Maggiotti et Berti, par les élèves donc de Galilée, et ils l'ont faite donc à Rome, en présence des jésuites du collège romain, qui sont des aristotéliciens convaincus, et avec un tube, donc c'est un tube de 11 mètres de haut, et avec un tube de 11 mètres de haut, on avait mis en haut, semble-t-il, un bouchon en verre, de façon à ce qu'on voit ce qui se passe, justement. On constate, en renversant, alors vous reprenez le protocole que vient de décrire mon collègue, on remplit le tube de, alors là, on le remplit d'eau, hein, et non pas de mercure, ça pèserait un poids astronomique. On le renverse sur une cuve remplie d'eau également, en faisant bien attention à ce que pas une goutte d'air n'entre dans le tube, et là on constate que l'eau s'arrête à 10,33 m, comme dans les pompes aspirantes. Voilà. Et en haut, apparemment, l'eau est descendue. Qu'est-ce qui a bien pu entrer? Rien, hein. Donc on pense que le haut du tube est vide. Voilà. Simplement, les professeurs du collège romain qui sont là ne sont pas du tout convaincus que le haut du tube est vide. Ça paraît tomber sous le sens, mais pour eux, ça ne tombe pas sous le sens. Ils imaginent qu'un air éthéré a pu pénétrer à travers les pores du verre qui surmonte le tube de plomb, ou de je ne sais plus quel métal, mais je crois que c'était... Non, pas du plomb. Du bon, je ne sais plus. Bon, peu importe. Mais c'est là que ressurgit l'éther, et qui va être souvent... l'éther va souvent ressurgir quand on ne veut pas, quand on ne peut pas expliquer la présence du vide. Alors, si on prend la formulation de Descartes, qui est de la même époque justement, qui lui va s'opposer à Pascal sur le vide, il appelle ça une matière subtile, mais en effet on y revient, c'est l'éther quelque part en fait. Alors pour revenir à ça, en effet c'est Simone Mazurik qui a tout à fait raison, mais c'est vrai que l'expérience de Torricelli au niveau expérimental, où on utilise un fluide particulier, on peut faire cette expérience relativement facilement, du moment qu'on a des tubes, et d'ailleurs Pascal la refera peu de temps après. Oui, alors là, moi... Thank you. Voilà quelques notes de Vangelis, Return to the Void, le retour au vide, en traduction de l'anglais au français, puisque nous parlons de l'histoire du vide tout au long de cette heure en compagnie d'Armand Lenoxaïk, maître de conférence à l'Institut universitaire de technologie d'Orsay, auteur des Métamorphoses du vide chez Belin et en duplex depuis France Bleu, Gare Lozère à Nîmes avec Simone Mazorik, qui est professeur émérite en histoire des sciences et épistémologie de l'Université de Lorraine. Alors il faut avancer, puisque le temps avance et notre temps est compté, il faut aller avancer dans cette histoire du vide. Peut-être Simone Mazorik, puisque nous avons eu le malheur d'envoyer la musique alors que vous vous apprêtiez à réagir, peut-être avancer dans cette histoire du vide avec justement ce débat entre deux grands scientifiques français qu'on a évoqué à plusieurs reprises et qui va aussi faire avancer l'histoire du vide, ce débat entre Pascal et Descartes. Alors là encore... Je vais présenter les choses peut-être un petit peu autrement. Descartes a énoncé ses positions sur le vide sans se soucier des considérations que Pascal développera à la suite de ses expériences. Descartes donc est partisan de l'inexistence du vide, d'un monde plein, donc il est partisan. Il n'est pas du tout aristotélicien, vous le savez, il a bâti son œuvre entièrement contre la physique d'Aristote, mais il se trouve que sur ce point très précis, l'inexistence du vide, il est d'une certaine façon en accord avec Aristote, même s'il n'a jamais énoncé les choses comme ça, évidemment, vous devinez. Cette affirmation est, chez Descartes, entièrement déduite des principes de sa métaphysique. Il affirme que le monde est composé de deux substances, la matière et l'esprit. Caractériser l'esprit par la pensée ou l'âme par la pensée et la matière par l'étendue. Et quand il y a donc de la matière est étendue par nature, hein, c'est sa caractéristique essentielle, sa caractéristique principale, c'est une substance étendue, et donc chaque fois qu'il y a de l'espace, il y a nécessairement de la matière. Et comme il y a de l'espace partout, eh bien il y a de la matière partout, et il n'y a pas de vide. Voilà. Donc ça c'est la position de Descartes. Alors quand Pascal intervient dans un horizon culturel dans lequel il y a la pensée de Descartes, il y a la pensée scolastique, et il intervient en ayant eu connaissance des expériences qui se sont déroulées en Italie, et notamment de l'expérience de Torricelli, dont il ne prononce pas le nom, ce qui va susciter ultérieurement des querelles invraisemblables, mais il décrit très soigneusement l'expérience de Torricelli, qu'il connaît parfaitement, qu'il connaît grâce au père Mersenne, qui l'a vu effectuer en Italie par Torricelli et qui a essayé de la reproduire en France. Il n'y est pas arrivé parce que il ne possédait pas des tubes de verre suffisamment solides pour résister au poids du mercure. Et c'est donc Pascal qui, à la suite de son père, parce qu'en réalité c'est son père et Pierre Petit qui ont fait la première expérience du vide, mais c'est Pascal qui va donc reproduire. Alors ce qui est assez paradoxal, c'est que Pascal va redonner une dimension importante au tube de verre, alors que Torricelli s'était forcé de la miniaturiser cette expérience. Pascal va refaire l'expérience du vide, alors avec d'abord un tube comparable à celui qu'a utilisé Torricelli, mais aussi avec de grands tubes de verre de 15 mètres de hauteur, etc., etc. Et il va en réalité multiplier des expériences qui vont, selon lui, même s'il est très prudent au départ, dans son premier essai, Les expériences nouvelles touchant le vide, il n'affirmera pas explicitement, abruptement, catégoriquement l'existence du vide, mais il dit, mon sentiment est que, quand même, très probablement, cet espace que j'ai mis en évidence est vide, destitué de tout corps, et donc je le tiens pour vide. Mais je ne me souviens plus quelle était la question initiale. C'était parfait. Absolument ce que j'attendais de vous. En tout cas, Armand Lenoxaïk, cette expérience, cette fameuse expérience du Puy de Dôme, qui met dans laquelle Pascal, effectivement, comme vient de le dire Simone Mazorik, conceptualise qu'il y a du vide, et puis qui va aussi mettre en valeur la pression atmosphérique, qui va servir de la pression atmosphérique. Elle est importante. Elle va être complétée aussi par une autre expérience très importante, celle de von Guericke. Oui, tout à fait. Donc là, juste pour revenir un petit peu sur ce qu'a dit Simone Mazorik très rapidement, en effet, le jeune Blaise Pascal entend parler de l'expérience italienne, il l'a refait. Et Pascal, à l'époque, a 23 ans. Il a été élevé dans un milieu qui n'était pas aristotélicien. Et justement, il voit là ici une faille dans les dogmes aristotéliciens, c'est le vide. Ce ne sont pas les atomes, parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas prouver les atomes, c'est trop petit. Donc en fait, il va s'évertuer à Rouen à faire de multiples expériences avec des grands tubes, avec différents fluides. En fait, il veut montrer que le vide n'est pas propre au mercure, mais il peut être fait avec du vide dans différentes circonstances. Alors l'expérience du Puy-de-Dôme, Pascal a très bien conscience qu'il ne peut pas prouver que ce vide est absolument vide. Il veut juste inverser en fait les forces, si vous voulez, cet équilibre de force. Et l'expérience du Puy-de-Dôme montre qu'en fait l'espace vide qui se crée dans le tube barométrique de Torricelli est plus ou moins grand en fonction de l'altitude. Alors pourquoi la nature aurait plus ou moins horreur du vide en fonction de l'altitude? Non, c'est tout simplement en raison de la pression atmosphérique. Et en effet, après, les deux seront très liés, le vide et pression atmosphérique. Et on peut penser notamment à très rapidement, il va y avoir des applications du vide. Hein. On peut penser à Denis Papin et à la machine à vapeur, Robert Boyle qui fait de nombreuses expériences. Au XVIIe siècle, il y a en effet un grand débat sur le vide. Sur le vide, il faut parler un petit peu de Gassendi, qui est très peu connu. Bien sûr, de Pierre Gassendi. Oui. Oui, qui à l'époque, dans les cercles savants, soit on était cartésien ou gassendiste, et gassendiste était un atomiste, il parlait d'atomes et du vide, et lui aussi, en fait, fait des expériences. Alors, en effet, la première pompe à vide, c'est Otto von Guericke, qui l'invente en 1650, et peu de temps après, en 1654, il fait une expérience qui est célèbre, ce sont les hémisphères de Magdebourg, où en fait, il va prendre deux demi-sphères, il va donc les joindre. On peut penser qu'il a mis, par exemple, une lanière en cuir graissé pour faire l'étanchéité entre les deux. Et grâce à la pompe qu'il vient d'inventer, il crée du vide à l'intérieur. Et il lui faudra mettre un attelage de 8 chevaux de chaque côté pour pouvoir séparer ces deux demi-sphères. Donc là, c'est l'expérience magistrale qui montre qu'en fait, si c'est la pression atmosphérique, si on crée du vide quelque part, la pression atmosphérique peut exercer une force très importante. Il est déjà 16h42, donc il faut que nous avancions dans cette histoire du vide si on veut essayer d'arriver jusque au temps présent. Peut-être dire, Simone Mazori, que malgré ces expériences et malgré ce que vient de nous raconter Armand Le Nocsaïk, malgré plusieurs mises à contribution du vide, Le vide ne fait pas totalement l'unanimité. Certains grands scientifiques, comme Newton par exemple, continuent à penser qu'il peut exister un éther. Alors avec, à côté du vide, on ne sait pas bien. Tout ça reste relativement confus jusqu'à assez tard dans l'histoire des sciences. Ah, mais tout à fait. C'est ce qui permet justement de corriger une certaine vision de l'histoire des sciences, selon laquelle, à un certain moment, on aurait fait une découverte et après, cette découverte serait tenue pour acquise et ferait partie du patrimoine scientifique de l'humanité. Or, c'est un peu ce qu'on fait, par exemple, quand on dit que Pascal, par les expériences auxquelles il s'est livré, que ce soit à Rouen ou au Puy-de-Dôme, a établi l'existence du vide. Et donc, on suppose qu'il y a un consensus de la communauté scientifique qui se rallie unanimement à cette hypothèse, ou à cette certitude, quelque chose qui n'est plus une hypothèse. Ce n'est pas du tout le cas. Hein. C'est-à-dire qu'une fois que Pascal a publié ses travaux et s'est consacré à autre chose, parce qu'il est passé à d'autres questions, la communauté scientifique est peut-être un petit peu bouleversée dans l'équilibre des forces, il y a peut-être un peu plus de scientifiques qui se rallient à l'hypothèse du vide, mais il n'y a pas ce basculement radical. Et notamment, justement, nous avons évoqué la pompe à vide, mais le grand scientifique Robert Boyle, il est partisan du vide, il est tout à fait d'accord, mais lui, il dit, mais on s'y est mal pris, c'est pas comme ça qu'il faut faire pour prouver l'existence du vide. Donc il invente la fameuse pompe à vide, qui sera utilisée ultérieurement. Un grand cartésien comme Jacques Roux en France n'abandonne pas l'hypothèse de la matière subtile censée se trouver justement au sommet du tube avec lesquels on fait les expériences du vide. Donc il refait les expériences, il invente même un autre dispositif, la célèbre chambre de Roux, mais tout en abandonnant en n'abandonnant pas l'hypothèse de la matière subtile. Voilà, et cela continue jusqu'à Newton que vous évoquiez, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer comme ça des basculements radicaux. Hein. C'est pour ça que les changements de paradigme, c'est une façon de s'exprimer, mais le ralliement de la communauté savante ne se fait jamais par un basculement brutal et irréfléchi ou irrémédiable, plus exactement. À quel moment diriez-vous l'un et l'autre que l'existence du vide finit par faire consensus, c'est-à-dire à partir de quel moment on ne discute plus non plus de son existence, de l'existence du vide, mais finalement de sa nature, Armand Nonoxaïk? Alors, au XVIIIe et XIXe siècle, la science va se séparer sous forme de différentes branches, en fait, l'optique, le magnétisme, la thermique, et entre autres, hein, et toutes ces branches de la science vont avoir besoin d'un fluide qui va être l'éther. Donc, on peut penser en France, là on est au XIXe siècle, Augustin Fresnel, qui est le grand opticien, qui va donner des explications des phénomènes optiques par rapport à des contractions, dilatations de l'éther, ou Maxwell également. Bien sûr. Donc, en fait, c'est plus l'éther qui va s'imposer, disons, au XIXe siècle. On l'entend, on a fait récemment, et on va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission, hein, sur une émission sur l'électromagnétisme et Maxwell, ce qui pose problème, ce qui pose vraiment un problème intellectuel et conceptuel à beaucoup de scientifiques, c'est la notion d'action à distance. On a du mal à accepter qu'il puisse y avoir action à distance dans le vide sans la présence de cet éther, Simone Mazurik. Que l'action à distance ait fait problème, ça s'explique parfaitement. Ça s'explique parfaitement parce que toute la science qui se construit à partir du XVIIe siècle, justement, se construit en remettant en question fondamentalement les autres modes d'approche en philosophie naturelle, puisqu'on parlait de philosophie naturelle plutôt que de physique, et notamment dans une certaine philosophie naturelle, celle qui était héritée de la période de la Renaissance, des modes d'action à distance étaient utilisés comme principe explicatif. J'entends par là, par exemple, la sympathie ou l'antipathie. C'était des modes d'explication qui remontaient à l'Antiquité. Hein. On trouve ces modes explicatifs, donc, par exemple, déjà chez Platon. La sympathie, c'est ce qui explique que deux corps se rapprochent les uns des autres sans qu'il y ait, sans qu'ils se touchent, justement. Hein. C'est une forme d'action à distance. C'est un principe mystérieux, hein, cette sympathie. Ça même est un principe magique, la magie sympathique. Tout à fait. C'est de mettre de l'eau dans de l'eau pour faire pleuvoir, en gros. Mais bon, c'est par sympathie, par exemple, que le tournesol se tourne vers le soleil, se dirige vers le soleil, etc. Bon, ou l'antipathie qui, au contraire, joue un rôle répulsif et qui est aussi une forme d'action à distance. Alors, toute la science qui se construit à partir, en gros, de Galilée et de Descartes, c'est justement une science qui expulse ces principes explicatifs, qui ne veut pas en entendre parler. Et puis, tout à coup, on reparle d'action à distance. Beaucoup disent, mais c'est un retour en arrière. Hein. On retourne vers des formes magiques, justement, de la pensée à quelque chose qui n'est pas scientifique. D'où cette méfiance, je crois, à l'égard de l'affirmation d'une possible action à distance. Il y a un cas d'école, Armand Nonoxaïk, qui est intéressant, c'est celui d'Einstein, de la relativité restreinte, puisque finalement, au moment d'Einstein, là aussi, on avance un peu et on accélère dans l'histoire des sciences, mais on a acquis la notion de champ. On sait bien aujourd'hui que finalement, l'éther n'est plus tout à fait nécessaire, et pourtant Einstein va faire machine arrière suite à sa correspondance avec Lorentz. Il a plus besoin de l'éther, il va finalement le réintégrer dans ses équations. Oui, donc là on est en 1905, le jeune Albert Einstein va publier 5 articles décisifs dans la grande revue allemande Annalen der Physik, et justement il n'a plus besoin de l'hypothèse de l'éther. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'hypothèse de l'éther était nécessaire dans toutes les branches de la science. Il y a à la fin du 19e siècle une expérience célèbre qui est l'expérience de Michelson et de Morley, où, parce qu'on concevait que l'éther était un référentiel absolu, tout du moins une partie de ce fluide éthéré était un référentiel absolu. Et donc, dans cette expérience, hein, je vais l'expliquer simplement, on mesurait le temps que mettait un rayon lumineux dans le sens de rotation de la Terre et celui que mettait un autre rayon lumineux qui lui était perpendiculaire. Et on s'attendait à ce qu'il y ait un vent d'éther et qu'il y ait une différence au niveau des deux mesures. Or, il n'y a eu aucune différence, donc là c'était une consternation. Et alors tous les savants, dont Lorentz, ont justement, pour sauver l'éther, imaginé en fait les bases quelque part de la relativité restreinte, puisqu'ils ont imaginé des distorsions spatio-temporelles, etc. Alors Einstein, lui, peu de temps après, va justement établir une vraie théorie, la théorie de la relativité restreinte, où il pose le fait que tous les référentiels galiléens sont totalement équivalents, et de ce fait la vitesse de la lumière est la même partout, mais pour que la vitesse de la lumière soit la même dans tous les référentiels, en effet, il faut ces fameuses distorsions spatio-temporelles qui mènent à une autre notion qui est la notion d'espace-temps. Là, on est en 1905. Il faut savoir juste une précision, Armand Noxey, c'est cette expérience de Michelson et Morley, elle a lieu à la toute fin du 19e siècle, une vingtaine d'années avant, de 1887. Tout voilà, à fait, ça. Oui, c'est ça. Et alors, comme vous l'avez dit, il va revenir un petit peu sur ce qu'il va dire, puisque après la relativité restreinte, Einstein a dit on n'a plus besoin de cet éther. En 1920, à un congrès, il revient un petit peu sur ses dires, puisqu'entre-temps, il va présenter la relativité générale, où là, il s'intéresse aux référentiels qui, cette fois, sont accélérés. Et il montre qu'il y a une équivalence entre un champ d'accélération et un champ gravitationnel, et que c'est la présence de la matière qui va déformer l'espace-temps. Et donc, de ce fait, cet espace-temps n'est pas homogène. Il va répondre à des lois, d'accord. Et là, on pourrait dire, mais c'est donc il y a une sorte d'éther. Sauf que cette fois, il y a des lois. Ça n'a rien à voir avec l'éther du 19e siècle, qui était le référentiel absolu. On peut dire que c'est vraiment à partir de ce moment-là, c'est-à-dire la relativité générale, l'apparition de la mécanique quantique, que l'éther est définitivement balayé de l'histoire des sciences, en tout cas qu'on en a fini avec l'éther, qu'on n'a plus besoin de l'éther à aucun moment dans aucune équation. Alors ce sont deux théories différentes, la relativité et la mécanique quantique, qui est à peu près contemporaine. Donc mécanique quantique, en fait, c'est on peut parler évidemment de Planck, d'Einstein également. Et on conçoit qu'en fait le quantum d'énergie, c'est-à-dire l'énergie, en fait, il y a la dualité, si vous voulez, onde-corpuscule. La lumière, c'est une onde, mais également des corpuscules qui sont des photons. Et en physique quantique, on va du coup généraliser ça à toute la matière. L'électron est un élément, un corpuscule, mais également une onde. Ce qui va mener à l'équation de Schrödinger, qui s'intéresse justement à cet aspect de l'électron. Et ce qui est intéressant, c'est de parler de l'apport de Dirac, qui peu de temps après va vouloir rendre cette équation de Schrödinger en mécanique quantique, qui n'est pas relativiste. Il veut la rendre relativiste. Et là, il va avoir des solutions de cette équation qui correspondent à des électrons qui auraient une énergie négative. Or, dans le monde réel, les différents éléments ont une énergie positive. Et pourtant, ces solutions sont aussi valables que ceux qui correspondent à une énergie positive. Alors, Dirac va avoir une interprétation justement de ces électrons qui ont une énergie négative. Il dit que le vide, c'est comme un océan d'électrons d'énergie négative, et à partir de ce vide, on peut créer de la matière et de l'antimatière. Et ce sera le mot de la fin sur cette histoire du vide. Alors il faudra refaire une deuxième émission sur l'histoire du vide au XXe siècle, parce que vous voyez que cette histoire est fort riche, fort complexe, et que nous n'avons pas eu le temps d'aller au bout de cette histoire. Mais il est 16h53, comme tous les jeudis, c'est l'heure de retrouver notre bibliothèque des sciences, les grands ouvrages qui ont marqué la littérature, l'évolution de la pensée scientifique. Aujourd'hui, c'est Jean-Jacques Cécignars qui nous parle de la lettre de Gauss à Sophie Germain. La Bibliothèque des sciences. Voici un texte de Gauss qui s'adresse à Mademoiselle Sophie Germain, une grande mathématicienne du début du XIXe siècle, qui, comme faut le savoir, n'avait pas le droit d'assister aux cours et s'était fait passer pour un homme, pour un étudiant, pour assister aux cours. Et Gauss était persuadé qu'il avait affaire à un étudiant homme. Or, à la suite de circonstances compliquées, en particulier Gauss ayant été en danger parce que la ville de Göttingen était assiégée par l'armée française, Sophie Germain est intervenue en sa faveur et elle a dit qui elle était. Et le général Pernetti, qui est un physicien, a informé Gauss que quelqu'un voulait le sauver. Il a dit qu'il voulait s'occuper de lui, enfin assurer sa sécurité, et il dit qu'il s'agit de Sophie Germain. Alors il dit qu'il ne connaît absolument pas de Sophie Germain, et elle est obligée de dire qui elle est, et donc Gauss s'aperçoit donc qu'il a affaire à une femme. Alors voici ce qu'il dit. Elle avait pris un faux nom qui était Monsieur Leblanc. Comment vous décrire mon admiration et mon étonnement en voyant se métamorphoser mon correspondant estimé, M. Leblanc, en cet illustre personnage qui donne un exemple aussi brillant de ce que j'aurais peine à croire. Le goût pour les sciences abstraites en général, et surtout pour les mystères des nombres, est fort rare. On ne s'en étonne pas, les charmes enchanteurs de cette sublime science ne se décèlent dans toute leur beauté qu'à ceux qui ont le courage de l'approfondir. Mais lorsqu'une personne de ce sexe, qui, par nos mœurs et par nos préjugés, doit rencontrer infiniment plus d'obstacles et de difficultés que les hommes à se familiariser avec ces recherches épineuses, c'est néanmoins franchir ces entraves et pénétrer ce qu'elles ont de plus caché, il faut sans doute qu'elle ait le plus noble courage, des talents tout à fait extraordinaires et un génie supérieur. En effet, rien ne pourrait me prouver d'une manière plus flatteuse et moins équivoque que les attraits de cette science qui ont embelli ma vie de tant de jouissances ne sont pas chimériques que la prédilection dont vous l'avez honorée. Il faut savoir que Sophie Germain a une œuvre double, enfin très importante. Une œuvre d'une part en géométrie, disons ce qu'on appelle la géométrie différentielle, la théorie des surfaces, etc. Et d'autre part en théorie des nombres. Et dans la théorie des nombres, elle a démontré un certain nombre de théorèmes, dont l'un d'eux est un de ceux qui ont servi, enfin, une des questions à résoudre pour démontrer le fameux théorème de Fermat qui a été démontré par Wiles. Voilà la Bibliothèque des sciences de Jean-Jacques Cécignars et d'Amie Dahan tous les jeudis en fin d'émission. Une Bibliothèque des sciences que vous pouvez retrouver, hein, comme toutes les chroniques ainsi que l'émission, sur franceculture.fr. Merci beaucoup en tout cas à nos invités du jour. Simone Mazorik qui était en duplex avec nous. Merci d'ailleurs à nos camarades de France Bleu, Gare Lozem à Lim pour le duplex. Armand Lenoxaïc, les métamorphoses du vide que vous pouvez retrouver chez Belin. Vous l'avez entendu, hein, il faudra faire une deuxième émission, un chapitre 2. On va commencer à serrer ces jeux d'histoire de la méthode scientifique sur l'histoire du vide au XXe siècle, en cosmologie, en physique quantique. On y reviendra et vous pourrez nous écouter à nouveau pour compléter cette écoute de cette émission. Et puis je vous rappelle que samedi, c'est le deuxième forum l'année vu par les savoirs dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Cette journée, après le thème animal, ça sera consacré au thème sexe et pouvoir qui sera décliné tout au long de la journée, en philosophie avec Adèle Von Rett, en histoire avec Emmanuel Laurentin, en économie avec Maëlys Bessery, en science par nous-mêmes autour de la question du dimorphisme mâle-femelle chez l'homme dans l'évolution, en génétique, en épigénétique, en paléontologie, on essaiera de faire le tour de la question. Et puis le dialogue de clôture, ce sera avec le réalisateur Olivier Assayas, assuré par Olivia Gesbert. Voilà un programme fort riche pour ce qui nous concerne. Nous recevrons donc pour ces questions scientifiques Edith Heard, l'épigénéticienne Yves Copin, Pince et Pierre-Henri Gouillon. Vous pouvez venir, l'inscription est gratuite, mais elle est obligatoire sur le site de la Maison de la Radio, maisondelaradio.fr. Ceci étant dit, on vous attend nombreux. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Antoine Beauchamp, Céline Lezen, Sarah Ijmans, Eve Etienne, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc. C'était Assia Khalid aujourd'hui à la réalisation. Et Clément daté à la réalisation. De la suite de vos programmes sur France Culture, dans un instant, le dernier épisode de la série documentaire d'Amaury Chardot et Julie Béressy sur l'espionnage sur écoute. Tout à l'heure, après 18h, le grain à moudre, y a-t-il un regain d'antisémitisme en Europe? Et pour ce qui nous concerne, demain, table ronde d'actu, il sera notamment question des mécanismes inflammatoires, de la polémique autour des statines et bien sûr de SpaceX. Rendez-vous demain 16h, jusqu'à preuve du contraire.